الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous reprenons ce soir la lecture et l'explication du livre Al-Aqidat al-Wasitiyah, écrit par le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et dans lequel il a exposé la croyance du groupe sauvé. Nous en sommes toujours dans cette partie de l'ouvrage dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné de nombreux versets du Coran dans lesquels on trouve l'affirmation de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première partie que nous allons lire aujourd'hui concerne les attributs de l'agrément, de la colère et de la détestation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit, rahimahullah, wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu an. Et sa parole, Allah les agrée, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Et ceci est une partie du verset 119 de Surat Al-Ma'idah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il agrée et il est satisfait d'eux en raison des œuvres de bien qu'ils ont accomplies sincèrement pour se rapprocher de lui. Et eux sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils agréent Allah en raison de la rétribution bonne et abondante qu'il leur a donnée et tous les délices dont il les a comblés. Et l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des degrés les plus éminents des délices dont peut jouir le serviteur. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ » et un agrément de la part d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Ceci fait donc partie des plus grandes choses qu'il convient au serviteur d'espérer et pour lesquelles il se doit de multiplier les efforts dans les œuvres de bien et les bonnes actions, et dans le délaissement des œuvres de mal et des mauvaises actions, afin d'obtenir l'agrément et la satisfaction de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et les gens du paradis, et à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, seront satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Et cette satisfaction sera si grande que chacun d'entre eux pensera que personne n'a été comblé de plus de bienfaits que lui. Comme vous le savez, les gens au paradis ne seront pas tous au même degré. Mais chaque personne sera satisfaite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, au point de penser qu'elle est celle qui a été comblée de la plus grande des faveurs et du plus haut degré. Donc ce verset nous démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, que Ar-Ridha fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné une partie du verset 93 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » et quiconque tue un croyant volontairement. « فَجَزَاؤُهُ Jahannam. Sa rétribution, c'est-à-dire sa sanction dans l'au-delà, sera Jahannam, le feu de l'enfer. Khalidan fiha. Ici, on trouve traduit souvent pour y demeurer éternellement. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous explique que le sens ici est qu'ils demeureront en enfer et que le sens d'Al-Khuloud est qu'ils y resteront longuement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est pour cela que l'auteur a mentionné ce verset ici, « Wa ghadiba Allahu alayhi » et Allah sera en colère contre lui. C'est-à-dire qu'en plus d'être en enfer, il sera châtié et rétribué par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Cette colère qui fait partie des attributs de notre Seigneur. « Wa la'anahu » et il le maudira. C'est-à-dire qu'il l'expulsera, le chassera et l'éloignera de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné un autre verset, qui est le verset 28 de Surat Muhammad, Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. Cela car ils ont suivi ce qui a provoqué la colère d'Allah et ils ont détesté, ils ont réprouvé son agrément. Avant ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment les anges retireront les âmes des mécréants durement. Puis il nous dit ici que ceci est en raison de leur suivi de ce qui a provoqué la colère d'Allah, car ils sont restés plongés et noyés dans les péchés et les désobéissances et les désirs interdits. Et ils ont détesté son agrément. Ils ont détesté l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ont détesté et répugné toutes les œuvres qui leur permettaient d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, à commencer par la foi et les œuvres pieuses. Donc on voit dans ce verset que la colère et l'agrément font partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous a mentionné le verset 55 de Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Et lorsqu'ils nous ont mis en colère, nous nous vengeâmes d'eux, c'est-à-dire nous les avons châtiés. Al-intiqam, la vengeance ici, ce qui est visé, est la dureté de la sanction. Donc lorsqu'ils ont provoqué la colère d'Allah, Allah les châtia, les sanctionna avec dureté. Ensuite, il a mentionné le verset 46 de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَخَبَّتَهُمْ. Mais Allah détesta leur départ, il les rendit alors paresseux. Ce verset, il concerne ceux qui se cherchaient des excuses pour ne pas partir au combat avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que s'ils avaient vraiment voulu partir, ils auraient fait des préparatifs pour cela, mais ils ne s'y sont pas préparés. Et Allah a détesté leur départ. Allah a détesté le fait qu'ils partent à la bataille avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il les a rendus paresseux, c'est-à-dire il les a retenus et empêchés de partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son décret et son destin subhanahu wa ta'ala, bien qu'il avait ordonné de partir au combat religieusement. Donc on retrouve ici un exemple de ce que l'on a vu dans un cours précédent concernant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ici, il a voulu les rendre paresseux, afin qu'ils ne partent pas de par sa volonté universelle. Bien que de par sa volonté religieuse, il voulait d'eux, et attendait d'eux qu'ils partent, au combat avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne leur a pas facilité cela, de par sa sagesse immense, subhanahu wa ta'ala. Comme on le retrouve dans le verset suivant, car s'ils étaient sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu anhum, ils n'auraient fait qu'accroître leur trouble. Donc on voit ici que Al-Karahiyya, que l'on pourrait traduire et expliquer par la détestation ou le fait de détester, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines choses, il en déteste d'autres, subhanahu wa ta'ala. Et ici, en raison de sa science parfaite, qui cerne toutes choses, il savait que ceux-là, les hypocrites, ne voulaient pas partir au combat. Il a donc détesté leur départ. Et il mentionne que s'ils étaient véridiques dans leur volonté de partir, ils auraient fait des préparatifs. En effet, lorsque tu veux accomplir une chose, tu te prépares à celle-ci. Et ici, il y a un rappel et une exhortation immense à tous nos frères et sœurs qui vivent en terre de mécréance et qui ne cessent de retarder la hijra, l'émigration vers les terres d'islam. Nombreux sont ceux à dire qu'ils veulent partir. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les moyens de partir. Les moyens physiques, les moyens financiers, les moyens administratifs. Mais ils ne cessent de retarder la hijra et restent vivre en terre de mécréance alors qu'ils ont les capacités de la quitter. Et nombreux sont ceux à être dans cette situation. Et à dire qu'ils veulent partir, mais ne font aucun préparatif pour cela. Et s'ils avaient voulu partir, ils auraient fait des préparatifs. Et cela ne craignent-ils pas qu'à force de retarder l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste leur départ et qu'il les en éloigne, qu'il ne les aide pas à cela et ne leur accorde pas la réussite en raison de leur manque de véracité. Et dans leur retard à la soumission et à l'empressement à se rapprocher et se diriger vers ce qui les mènera vers l'agrément et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne doit penser qu'il a le temps. Nul ne doit penser que ce début de volonté qu'il a en lui-même sera encore présent demain. Combien sont ceux à avoir de bonnes intentions, en apparence ou sur le bout de leur langue, mais à ne jamais concrétiser cela par leurs actes? Wallahu al-musta'an. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Et il doit savoir que nul n'est à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le croyant se doit de s'empresser de se soumettre à l'ensemble des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas transgresser ses interdits et à ne pas se complaire dans la désobéissance à Allah. Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa propre situation et doit par conséquent se remettre en question et s'empresser de se diriger vers la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est une promesse bonne et abondante ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 3 de Surat As-Saff, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun » C'est une chose grandement détestée auprès d'Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. Allah subhanahu wa ta'ala déteste que son serviteur prétende des choses avec sa langue alors qu'il ne les met pas en pratique avec son corps. Et ce qui est attendu du croyant véridique, c'est que ses œuvres, ses paroles et ce qui se trouve dans son cœur soient en adéquation. Sa langue et ses actes doivent traduire ce qui se trouve dans son cœur, comme bien et comme action qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté que la cause de la révélation de ce verset est que des gens parmi les croyants, avant que soit ordonnée la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il disait « Nous aurions aimé qu'Allah nous informe de l'œuvre qu'il aime le plus afin que nous puissions la mettre en pratique. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'œuvre la plus aimée par Allah est bien sûr la foi en Allah, puis la lutte contre ceux qui lui désobéissent et qui s'oppose à la foi. Donc lorsque la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala fut légiférée et ordonnée, certaines personnes parmi les croyants ont réprouvé cela, et ce fut un ordre difficile pour eux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, « Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'aloun. » Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est une chose grandement détestée par Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. Donc le croyant, il doit faire attention à cela et être véridique avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala et prendre garde à ne pas commettre des choses détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, on a vu à travers ces versets qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghadab, la colère, al-rida, l'agrément, la satisfaction, al-la'n, la malédiction, al-intiqam, la vengeance, que l'on a expliqué par la dureté dans le châtiment, al-karahiyya, la détestation, le fait de détester, al-asaf, qui est expliqué par la colère également, et al-maqt, qui concerne aussi le fait de détester grandement. Donc tous ces attributs font partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala liés à ses actes. Il les fait quand il veut, lorsqu'il veut et comme il veut. Et les gens de la sunna affirment cela pour Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah l'a affirmé pour lui-même. Et nous affirmons cela d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné quatre versets concernant l'attribut d'Al-Maji et d'Al-Ityan, que l'on pourrait traduire tous les deux par la venue. La venue d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour juger entre ses serviteurs d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Il a donc mentionné tout d'abord verset 210 de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرِ » Qu'attendent-ils si ce n'est qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Ce verset, c'est une menace adressée aux mécréants qui délaissent l'entrée en islam et qui suivent les pas du diable. Qu'attendent-ils si ce n'est qu'Allah leur vienne, de par son essence subhanahu wa ta'ala, afin de juger et trancher entre eux au jour de la résurrection et de rétribuer chacun d'entre eux en fonction de ses actions bonnes ou mauvaises. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, « وَقُضِيَ الْأَمْرِ » et que leur sort soit réglé, c'est-à-dire qu'ils soient anéantis, qu'il en soit terminé avec eux. Donc ceci est une menace à leur encontre, afin de les rappeler à l'ordre, et qu'ils se remettent en question et acceptent la religion de l'islam qui est la seule religion agréée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 158 de Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةِ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ » Qu'attendent-ils si ce n'est que ne leur viennent les anges, c'est-à-dire les anges qui leur retireront leurs âmes, ou que ne vienne ton Seigneur, de par son essence subhanahu wa ta'ala, pour juger entre les serviteurs, ou que ne viennent certains signes de ton Seigneur. Et ce qui est visé ici est le lever du soleil de son couchant, qui fait partie des grands signes annonciateurs de l'heure. Et lorsque celui-ci arrivera, la porte du repentir sera fermée et il ne sera plus accepté. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné les versets 21 et 22 de Surat Al-Fajr, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kalla, idha dukkati l'ardu dakkan dakka » Mais non, Kalla, c'est un mot indiquant la menace, la réprimande. C'est pour cela que certains l'ont traduit par prenez garde. Quand la terre sera complètement pulvérisée. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et que ton Seigneur viendra, lui-même, subhanahu wa ta'ala, pour juger entre ses serviteurs, ainsi que les anges, rang par rang. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné très clairement dans ce verset qu'il viendra subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah a mentionné le verset 25 de Surat Al-Furqan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيَوْمَ تُشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا Et le jour où le ciel sera fendu, c'est-à-dire au jour de la résurrection, par les nuages, et qu'on fera descendre les anges, c'est-à-dire qu'ils descendront sur terre et entoureront et cerneront les créatures sur le lieu du rassemblement. Et après cela, viendra le Seigneur subhanahu wa ta'ala pour juger entre les serviteurs. Donc tous ces versets nous démontrent qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Maji et Al-Ityan, que l'on a traduit tous deux par la venue. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra lui-même au jour de la résurrection d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté pour juger entre ses serviteurs. Et cet attribut, Al-Maji et Al-Ityan, la venue, fait partie également des attributs liés aux actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même dans son noble livre. Et il est donc obligatoire pour nous de l'affirmer pour notre Seigneur comme il l'a affirmé lui-même. Et il n'est pas permis de donner une interprétation aux magies et à Al-Ityan, à la venue, en disant que ce qui est visé par cela est la venue de son ordre, comme le font les négateurs des attributs de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et qui disent « Waja'a rabbuk » ay « Ja'a amru rabbik » et ton Seigneur viendra, c'est-à-dire « et l'ordre de ton Seigneur viendra ». Et ceci revient à l'altération, à tahrif des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une chose interdite, comme on l'a vu dans les premiers cours de l'étude de cet ouvrage. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné deux versets concernant l'attribut d'al-wajh, le visage. Et il a dit, وَقَوْلُهُ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ et seul subsistera la face ou le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Allah subhanahu wa ta'ala informe avant cela que tout ce qui est sur terre est voué à disparaître. Tous les gens présents sur terre disparaîtront et périront. Et rien ne restera en dehors du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy alladhi la yamut. Il est le vivant qui ne meurt pas. Il ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala. Donc rien ne subsistera en dehors du visage de ton Seigneur. Et il nous décrit son visage comme étant Dhul Jalal wal Ikram, plein de majesté et de noblesse, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est glorifié et magnifié, subhanahu wa ta'ala. Et il honore ses prophètes, alayhim salatu wa salam, ainsi que ses serviteurs vertueux. Et il est, subhanahu wa ta'ala, en droit d'être exempté et purifié de tout ce qui ne sied pas à cette grandeur et cette majesté. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 88 de surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullu shay'in halikun illa wajha. » Toute chose périra, sauf son visage. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre périra et partira, à l'exception du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous informe donc ici qu'il est celui qui restera et perdurera lorsque les créatures mouriront, car il est al-hayy, le vivant qui ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala affirme clairement pour lui-même l'attribut du visage, al-wajh, et ceci fait partie des attributs de son essence. Et nous devons y croire et l'affirmer comme cela est venu dans ces versets, tout en sachant que laïsa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne comparons pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, aux attributs des créatures. Et nous ne cherchons pas à en connaître le comment, mais nous affirmons le visage pour Allah subhanahu wa ta'ala comme cela est venu dans les textes. Et nous ne faisons pas comme le font les négateurs des attributs, ceux qui ont dit que ce n'est pas le visage dans le sens que l'on connaît qui est visé ici, mais que ce qui est visé, c'est l'essence même d'Allah ou la récompense ou autre chose semblable. Et tout ceci sont des interprétations erronées. Et parmi les choses qui nous démontrent que ces interprétations sont des interprétations erronées, notamment le fait de dire que ce qui est voulu par le visage, c'est Allah lui-même, et non pas qu'il aurait l'attribut du visage. Il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans certaines invocations la recherche de refuge et de protection par Allah et par son noble visage. A'udhu billahi al-azim, je cherche refuge par Allah l'immense, wa biwajhihi al-karim, et par son noble visage. Donc on voit bien que le visage est distinct de l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un attribut. Et ce qui est visé par le visage, ce n'est pas l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces interprétations sont des interprétations erronées. Et la croyance des gens de la sunna est d'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a affirmé pour lui-même, sans altération, sans négation, sans comparaison et sans en chercher le comment. Mais nous y croyons comme cela est venu dans les textes, et nous nous arrêtons à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunnah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné des versets nous démontrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, Et il a mentionné le verset 75 de Sourate Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai » Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains ? Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici à Iblis, lorsqu'il a refusé de se prosterner pour Adam alayhi salam, lorsqu'Allah lui a ordonné. Et il lui demande qu'est-ce qui l'a empêché de se soumettre à cet ordre ? Qu'est-ce qui a fait obstacle entre lui et cette prosternation ? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam de ses deux mains, sans intermédiaire. Et ceci est un titre d'honneur et de noblesse pour Adam alayhi salam. Mais ce que l'on retient ici, c'est la mention des deux mains. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 64 de Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقَالَتْ الْيَهُودِ » Et les Juifs ont dit « يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ » La main d'Allah est fermée. C'est-à-dire qu'ils ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala par l'avarice, وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ, tout comme ils l'ont décrit par la pauvreté. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cette parole lorsqu'ils disent « la main d'Allah est fermée ». Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala « rullat aydihim » que leurs propres mains soient fermées en rétribution de ce qu'ils ont dit et de cette parole gravissime. Et c'est pour cela que l'avarice et l'envie et la convoitise font partie des choses très présentes dans cette communauté, qui font même partie des gens les plus avares parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, en raison de cette parole. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا » Et ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit, ils ont été éloignés et privés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de cette parole. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, « بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ » Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il donne avec générosité, subhanahu wa ta'ala. Yunfiqu kayfa yasha. Il distribue ses dons comme il veut, en fonction de ce qu'il a décidé, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il donne à son serviteur en abondance. Et s'il veut, il restreint ses dons de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne et c'est lui qui retient, selon ce qu'il décide de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces deux versets, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même l'attribut des deux mains. Ce sont donc des vraies mains qui correspondent et que l'on affirme d'une manière qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa grandeur. Et que l'on ne compare pas aux mains des créatures. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. Et cela est une réfutation des négateurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont renié le fait que ses mains soient de vraies mains et qui leur ont donné une fausse interprétation en disant que ce qui est voulu par la main c'est al-qudra, la capacité, la puissance ou al-ni'ma, le bienfait. Et cela sont également des interprétations erronées et une altération du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le sens de la main était al-qudra, la capacité, la puissance ou le bienfait, alors Adam alayhi salam n'aurait eu aucune distinction sur les autres créatures. Car toutes les créatures ont été créées par Qudrat Allah, la capacité, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelle serait la distinction de Adam alayhi salam? Sa distinction est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de ses deux mains. Donc vous voyez le danger de ces ambiguïtés diffusées par nombre de personnes parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, qui n'hésitent pas à renier les attributs de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, bien que ceci soit mentionné clairement dans le Coran et la Sunnah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné trois versets concernant l'attribut des deux yeux. Et le premier verset qu'il a mentionné est le verset 48 de Surat At-Tur, dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit « وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا » Et endure la décision de ton Seigneur, car tu es certes sous nos yeux. C'est-à-dire que tu es sous le regard d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te voit de ses yeux et il te préserve. Ne tiens donc pas compte des persécutions et des préjudices causés par les mécréants, car ils ne pourront pas t'atteindre si ce n'est par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Ensuite, il a mentionné les versets 13 et 14 de Surat al-Qamar, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ » Et nous le portâmes, c'est-à-dire Nuh, alayhi salam, sur un objet fait de planches et de clous, c'est-à-dire sur l'arche. « تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا » Voguant sous nos yeux, جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ En rétribution pour celui qu'on avait renié, c'est-à-dire en rétribution pour Nuh, alayhi salam, qui a été rétribué en bien, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé et a noyé, à titre de rétribution, tous ceux qui ont mécru en lui et rejeté sa prophétie. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 39 de surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَ عَلَى عَيْنِي » Et j'ai répandu sur toi, c'est-à-dire sur Moussa alayhi salam, un amour de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Afin que tu sois élevé sous mon regard, je te vois, je t'observe et que je te préserve. Donc, dans ces trois versets, on voit l'affirmation de l'attribut des yeux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme les attributs précédents, nous les affirmons d'une manière qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté, sans les comparer aux attributs des créatures, car laïsa kamithlihi shay, rien n'est comparable à lui. Et nous ne renions pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé explicitement pour lui-même. Il a donc affirmé l'attribut des yeux, et nous l'affirmons comme cela est venu clairement dans ces versets mentionnés par l'auteur rahimahullahu ta'ala. Ensuite, il est passé à différents versets concernant les attributs de l'ouïe et de la vue, et nous verrons cela, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.